partenariat avec le Centre de formation des musiciens intervenants, le CFMI d'Orsay, le Printemps des Arts de Monte-Carlo vous offre La musique expliquée aux aliens sur la Radio Parfaite, avec aujourd'hui un module conçu et réalisé par Kevin Lebar. Ernie Radio, l'émission radiophonique non identifiée. Auditeurs de la Terre et de l'espace, bonjour! Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, et pour tout cela, toute l'équipe d'Ernie Radio vous remercie. Je vous rappelle que c'est une émission traduite et diffusée simultanément sur les ondes radio extraterriennes, en co-animation avec mon homologue, la belle, la sublime, la diva, Balvolagourna! Bonjour Kevin et bonjour les terriens! On enchaîne sans plus attendre, comme chaque début d'émission, avec la question extraterrienne. Tout de suite, Palva, une première question choisie au hasard sur notre page Facebook. Et il nous a été envoyé par Médusa. Dans une émission précédente, vous nous avez fait découvrir ce que vous appelez sur votre planète la pratique musicale. J'aimerais moi aussi m'initier à ce que vous nommez chez vous un instrument. Lequel me conseillez-vous ? Bien écoutez, Médusa, étant moi-même chanteur, j'ai tendance à diriger les gens vers cet art. Vous avez simplement besoin de votre voix et vous pouvez le pratiquer partout. Chez vous, sous la douche, dans votre soucoupe en allant au travail. Je trouve ça vraiment plaisant et pratique à la fois. Je n'en doute pas, mais vous pourriez repréciser pour les auditeurs qui nous ont rejoints aujourd'hui ce qu'est chanter. Bien sûr, et plutôt que d'en parler, le mieux, je crois, c'est qu'on écoute plusieurs extraits. Tenez, commençons avec une œuvre appelée L'Adagio d'Albinoni. Non so dove trovarti, non so come cercarti, ma sento una voce che Alors, c'est ce que nous appelons un chant lyrique. Ça demande une grande technique et beaucoup d'entraînement. Mais je vous propose d'écouter tout de suite un chant plus actuel et qui demande tout autant de technique. C'est un chanteur qui malheureusement nous a quittés, qui s'appelait Freddie Mercury, avec ce titre « We are the champion », énorme tube. On écoute. I paid my dues Time after time, I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my share of sand kicked in my face, but I've come through. And I need to go on. My friends. And we Pardon Kevin, vous l'aviez dit, ce n'est pas simple à chanter. Vous n'auriez pas un exemple plus accessible à faire écouter à nos auditeurs ? Vous avez raison. Alors écoutons tout de suite un artiste chanteur qui s'appelle Renaud, que l'on dit chanteur à texte. Petit Papa Noël, toi tu es descendu du ciel. Retourne-y vite fait bien fait avant que je te colle une droite. Avant que je t'allonge une patate, que je te fasse une tête au carré. Je lui avais demandé comme cadeau une panoplie d'agents de police, une super boîte de mécano, une carte du Parti Socialiste. M'a carrément amené peau de balle, l'avait pas dû recevoir ma lettre. J'avais peut-être pas mis le code postal qui correspond à sa planète. N'empêche qu'il s'est pas gêné, il m'avait déjà ruiné la moquette. Dans le canapé s'est écroulé pour se piquer la ruche à la nisette. Il m'a descendu la bouteille, à lui tout seul le saligo. Fait que le pinard l'a fait pareil, le Père Noël est un poivreau. Petit Papa Noël, toi tu es descendu du ciel. Retourne-y vite fait bien fait avant que je te colle une droite. Avant que je t'allonge une patate, que je te fasse une quête au carré. Voilà clairement un exemple pour s'initier au chant et qui demande moins de prédisposition. Cependant, Médusa, je m'aperçois en regardant votre photo de profil que vous n'êtes pas muni d'une bouche. J'imagine que vous communiquez donc par télépathie. Je pense que chanter, ça risque d'être difficile. De même que vous n'avez qu'un seul doigt sur chacune de vos mains, la guitare ne serait pas forcément l'instrument le plus adéquat pour vous non plus. En revanche, les percussions, vu le nombre spectaculaire de tentacules dont vous disposez, ça pourrait être une bonne idée. À mon avis, vous pourriez exceller dans le domaine. Vous avez tout intérêt à vous diriger vers cet instrument. Je vous rappelle à ce titre que vous pouvez trouver sur mon site Intergalac Web différentes méthodes d'apprentissage pour différents instruments, y compris les percussions. Merci Médusa pour votre question. Et de mon côté, le standard de communication explose. Je vous propose d'écouter la question de notre auditeur suivant, Chewbacca. On écoute votre question. J'ai cru comprendre que pour les humains, la musique pouvait provoquer ce que vous appelez des réactions émotionnelles. Que vos choix musicaux pouvaient différer selon le contexte, pourriez-vous nous en dire un peu plus ? Alors, Chewbacca, le mieux, encore une fois, c'est de vous donner un exemple clair et concis, en vous laissant embarquer avec moi dans l'imaginaire que je vais vous proposer, accompagné du prélude en mi mineur de Frédéric Chopin. Vous rentrez chez vous un soir et vous avez le cœur lourd car vous devez annoncer une très mauvaise nouvelle à votre femme. La société dans laquelle vous travaillez depuis 20 ans vient de vous licencier. Elle a décidé de délocaliser son activité dans le système d'Agoba qui se trouve à des années-lumière de Tatooine. L'endroit où vous habitez avec votre petite famille. En arrivant chez vous, vous vous apercevez que la maison est vide. Votre femme vous a laissé une lettre sur la table. Elle vous annonce qu'elle vous quitte, car elle ne vous aime plus, et qu'elle fera tout, tout, pour obtenir la garde des enfants. Vous êtes au bout du rouleau. Et c'est ce dernier qui aura raison de vous. Suite à une ingurgitation excessive de rhum. Vous mourrez d'un coma éthylique. Eh bien, moi qui suis novice en matière de sensations émotionnelles, mais je crois pouvoir dire sans me tromper qu'il s'agissait de la tristesse, non ? Exactement, Palva, c'était ça, la tristesse. Vous apprenez vite ? Peut-être auriez-vous un autre exemple à nous donner, d'une autre musique qui s'accorderait à un contexte complètement différent que celui-ci ? Très bien, alors cette fois-ci, Palva, c'est à vous que je vais demander de vous laisser embarquer dans un imaginaire totalement opposé. Imaginez, vous et moi, nous nous entendons plutôt bien. Et je décide, un jour, avec une grande timidité, de vous inviter à dîner chez moi. Pour mon plus grand plaisir, vous répondez favorablement à mon invitation. Le soir venu, tout se déroule à merveille. Vous êtes magnifique dans votre tenue. Vous ne me laissez pas indifférente et je crois comprendre dans votre regard que cela est réciproque. Many times if we've loved and we've shared love and made love, it doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, man. It's just not enough. Oh, oh, man. Oh, man. My darling, I can't get enough of your love, man. Durant la soirée, on parle de tout, de tout sur le fond sonore d'une playlist préalablement sélectionnée. Juste avant le dessert, vous me faites part d'une envie soudaine de danser. Je vous accompagne volontiers. Quand soudain, la musique change. La douceur.